Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Et en cette journée où les restaurants intérieurs, les salles de sport rouvrent, où le couvre-feu est reculé de 2 heures avec ce bel été qui s'annonce, on se prend à rêver que ça y est, c'est fini, qu'on va en finir une bonne fois pour tous avec cette pandémie, que la reprise de la vie normale est devant nous jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine pandémie parce que, eh bien, quel que soit le niveau d'impréparation dont les différents pays ont pu faire preuve, cette pandémie de Covid, elle était elle aussi prévue par l'OMS sous le nom de maladie X, une maladie encore inconnue qui va bouleverser les équilibres mondiaux, et des maladies X, il y en aura d'autres. Comment les anticiper? Comment mieux s'y préparer? Pandémie du futur, la menace fantôme, c'est le programme épidémiologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce que cette pandémie nous a appris sur la façon d'appréhender la prochaine, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marisa Peyre, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, coordinatrice de Prézode, Prézode pour Preventing Zoonotic Disease Emergence, on en parlera dans un instant, pour le CIRAD, qui est le Centre de Coopération Internationale en Recherche d'Agronomique pour le Développement, et également directrice adjointe de l'UMR mixte CIRAD-INRAE sur la santé intégrée. Et nous sommes également en ligne avec Serge Morand, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue de la santé et parasitologue de terrain, chercheur CNRS et également au CIRAD et depuis l'université de médecine vétérinaire de Kasetsart en Thaïlande. Mais on commence par celle qui voit émerger en direct chaque jour sous vos oreilles ébahies les différents foyers infectieux nouveaux. C'est dans le JDS et c'est avec Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le sujet de ce journal qui vient d'une étude parue dans la revue Current Biology sur des animaux microscopiques vieux de 24 000 ans qui sont revenus à la vie. Une équipe russe a décongelé un échantillon de l'ancien pergélisol arctique prélevé dans le nord de la Sibérie à plus de 3 mètres de profondeur. Un échantillon vieux de 24 000 ans. Les chercheurs ont alors mis à jour des rotifères, des invertébrés microscopiques. Une fois revenus à la température ambiante, 144 animaux ont repris leur cycle de vie, ils se sont même reproduits et ils peuvent éventuellement être congelés. Alors cette faculté, c'est la cryptobiose, où certains organismes peuvent survivre tout en mettant leur métabolisme en pause. Cela permet de résister à des périodes de grand froid, au gel ou à des périodes de dessèchement. La vedette de la cryptobiose, c'est le tardigrade. Alors ces rotifères, on les a découverts au tournant du XVIIe siècle et dès le XVIIIe siècle, il y a eu des expériences sur leur capacité de vie latente. On savait qu'après une congélation à moins 20 degrés, ils pouvaient se mettre en veille pendant 10 ans, mais on ne savait pas qu'ils pouvaient le faire sur des dizaines de milliers d'années. Stéphane Tirard est professeur d'épistémologie de l'histoire des sciences à l'université de Nantes. Il est l'auteur de l'ouvrage « Cryptobiose et reviviscence chez les animaux ». Ce qui est remarquable, c'est cette durée de vie latente de 24 000 ans, ce qui est un record en quelque sorte, si jamais on est à la recherche des records, ce qui n'est pas forcément très très intéressant sur le plan scientifique, mais néanmoins, c'est tout à fait fascinant de voir une durée aussi longue durant laquelle un organisme peut se retrouver en vie latente. Ce qui est très intéressant dans cette cryptobiose, c'est que finalement, l'organisme est à l'abri des conditions ambiantes, enfin du moins se protège des conditions ambiantes qui sont extrêmes, mais il parvient à protéger ses propres structures. C'est-à-dire que le risque du gel pour un organisme, c'est en fait la cristallisation de l'eau à l'intérieur des cellules qui les ferait éclater. Et en fait, les organismes qui sont capables de passer en vie latente ou en cryptobiose possèdent des caractéristiques qui leur permettent de faire sortir l'eau des cellules et en plus de protéger les structures cellulaires, les membranes, pendant cette phase de dessiccation. Donc, que ce soit les rotifères, les tardigrades, les graines, ils présentent des caractéristiques dans leur cycle de vie qui consistent en la possibilité d'introduire des périodes de pause métabolique en quelque sorte. Donc elles sont en mesure de jouer avec la temporalité de leur cycle de vie. Donc c'est en fait une propriété qui est plus répandue qu'on le pense dans les cycles de vie des organismes qu'on peut connaître. C'est intéressant de constater qu'une structure vivante placée dans certaines conditions, cette structure pouvait entrer, enfin se retrouver dans cet état de vie latente, a pu préserver cet état pendant autant d'années. C'est-à-dire que ça, sur un plan très fondamental, ça questionne cette question de la temporalité des cycles de vie. Donc la découverte en question, elle confirme cette possibilité de la très longue durée de la préservation des structures. Et vous retrouvez évidemment cette étude sur les rotifères. Vous pouvez la retrouver via notre fil Twitter @laméthodefc et le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon le dernier rapport de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, les niveaux actuels de dioxyde de carbone atmosphérique n'ont jamais été aussi élevés dans l'histoire de l'humanité. Et la NOAA, c'est le laboratoire de surveillance mondiale de l'atmosphère qui enregistre depuis 1974 et de façon précise les concentrations de CO2 atmosphérique. En mai dernier, la NOAA a enregistré le niveau le plus élevé depuis le début de ses mesures. Alors, malgré la quarantaine mondiale, le dioxyde de carbone libéré par les activités humaines, avec la déforestation et la combustion de combustibles fossiles, le dioxyde de carbone ne cesse de s'accumuler dans l'atmosphère. Avec une moyenne mensuelle de 419 parties par million, les niveaux actuels sont équivalents à ceux observés à l'ère du Pliocène, il y a 4,5 millions d'années. Selon une étude parue dans PNAS, les bébés peuvent percevoir des visages grâce à l'odeur maternelle. Et chez les nourrissons humains, l'odorat est un sens plus développé que la vue. Une équipe française a mené une expérience avec des bébés de 4 mois. Ils devaient regarder des images d'objets et des objets faciaux, c'est-à-dire des objets qui ressemblent à des visages, comme deux œufs au plat dans une poêle qui sourit. Les bébés portaient un t-shirt de leur mère, puis un t-shirt sans odeur. Les résultats des électroencéphalogrammes pour mesurer leur activité cérébrale montrent qu'au contact de l'odeur maternelle, les bébés perçoivent des visages illusoires. On observe une réponse neuronale dans l'hémisphère droit spécialisé. Cette expérience prouve que l'odeur de la mère encourage, voire façonne, la perception des visages. Et pour finir, selon une étude parue aujourd'hui dans Proceedings of the Royal Society B, Biological Science, plus les animaux sont domestiqués et proches des humains, plus leurs cerveaux sont petits. Et c'est ce qui ressort de cette étude comparative sur la taille des cerveaux des bovins. Des chercheurs suisses ont mesuré 13 crânes d'auroches, les ancêtres sauvages de nos vaches, disparus depuis très longtemps. Ils les ont ensuite comparés avec 317 crânes contemporains de 71 races bovines domestiquées. En moyenne, leur cerveau est environ 26% plus petit que ceux des bovins sauvages. Et selon les races, les cerveaux sont plus petits. Les vaches laitières, par exemple, ont un cerveau plus petit que les bovins de tauromachie, qui ont moins d'interactions avec nous. Selon les auteurs, l'intensité du contact humain a un effet sur la réduction du cerveau des animaux. Merci Natacha, il va falloir qu'on résolve votre problème de cheux sur le nom des animaux, parce qu'après les échidnés, on a dit, vous avez dit les euroches, alors que c'est les euroques et les échidnés. Écoutez, c'est la fin de la saison, on est tous un peu fatigués. Allez, à demain pour le prochain Journal des Sciences. La question désormais n'est pas de se demander s'il y aura un prochain pathogène, mais quand. C'est une déclaration de Maria Van Kerkhove, qui est épidémiologiste du programme des urgences sanitaires à l'Organisation Mondiale de la Santé. Voilà, le tableau dressé, reste à savoir donc comment ne pas se retrouver prise au dépourvu, comme cela vient d'être le cas avec le SARS-CoV-2, et de façon relative, étant entendu que certains pays mieux préparés, notamment à d'autres épidémies respiratoires, ont réussi à contraindre de façon plus efficace la circulation de ce virus émergent sur leur territoire. Parce que le Covid, loin d'être inattendu, était, on va dire, prévue, alors avec évidemment beaucoup de précautions, pas le Covid exactement en tant que tel, mais une maladie émergente inconnue nommée maladie X par l'OMS est placée en 2018 sur la liste des pathologies pouvant éventuellement causer un danger international. Par ailleurs, depuis 50 ans, l'émergence des crises liées aux zoonoses s'accélère. 75% des nouvelles maladies infectieuses humaines sont issues de réservoirs animaux. Retour à l'une des précédentes qui aurait pu être bien plus grave qu'elle ne le fut, la grippe aviaire de Hong Kong en 1997, c'est notre archive du jour. Après avoir fait face à la maladie de la vache folle, à la variole du singe, voilà que l'espèce humaine est confrontée à la grippe du poulet. Elle vient de Hong Kong. Là-bas, plusieurs personnes sont mortes, d'autres ont dû être hospitalisées après avoir été infectées par un virus qui décime depuis quelque temps les élevages locaux de volailles. Les autorités hongkongaises ne prennent pas l'affaire à la légère. Elles ont annoncé ce matin la mise en quarantaine d'une ferme et d'un marché de gros. Demain, tous les poulets élevés sur le territoire de l'ancienne colonie britannique devront être abattus, puis enterrés dans une vaste fosse commune. Une correspondance de Pierre Kérol. C'est un véritable état de siège qui a été décrété autour des établissements fermés. À l'exception des enquêteurs et du corps médical ou vétérinaire, plus aucune personne n'est désormais admise dans les zones infectées. Les autorités de Hong Kong ont pris cette décision après avoir découvert dans la ferme la présence du virus sur certains animaux et après avoir constaté dans le marché que différents poulets étaient morts subitement dans la nuit. L'annonce de ces fermetures dans deux quartiers, situés non pas sur l'île de Hong Kong, mais dans la partie du territoire située sur le continent, a évidemment ajouté encore à l'inquiétude de la population. D'autant que pour la première fois, un haut responsable de l'OMS, Daniel Lavanchi, a admis que la grippe du poulet pouvait parfaitement se transmettre entre êtres humains, même si ce mode de transmission, a-t-il dit, est rare. Ce chercheur est arrivé à cette conclusion après avoir observé qu'un médecin de Hong Kong avait été contaminé par l'un de ses malades porteurs du virus. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé se rendra bientôt dans le sud de la Chine populaire pour y ouvrir une enquête. Le territoire de Hong Kong importe chaque jour de cette région 75 000 poulets. Voilà un des épisodes de grippe aviaire qui a mis en alerte la communauté internationale. Il y en a eu d'autres. Peut-être un mot ou une réaction à cela, Marisa Peyre. On est effectivement face à ce paradoxe qui est qu'il semble a priori difficile de prévoir ou d'anticiper une maladie qu'on ne connaît pas encore et dont on ne sait pas par où elle va advenir. On a longtemps cru que ce serait d'ailleurs une grippe aviaire. Finalement, eh bien, ça aura été un coronavirus. Oui, absolument. Et on l'a vu avec les différentes alertes, comme celles qu'on vient d'entendre, des alertes similaires. Donc, on en a eu avec le SARS-CoV-1 au début des années 2000. Ensuite, la grippe aviaire H5N1, donc qui avait été éradiquée à Hong Kong en 97, a réémergé en Asie et s'est propagée dans le reste du monde entre 2004 et 2006 et a créé donc tout un émoi dans la communauté internationale où il y a eu une préparation. Donc, il y avait pendant une dizaine d'années tout un travail de préparation contre les risques pandémiques et donc des plans pré-pandémiques mis en place dans les différents pays du monde. Dans l'idée que la grippe aviaire de type H5N1 ou une grippe aviaire similaire pourrait passer chez l'homme et créer une pandémie. Et donc on attendait tous cette grippe aviaire H5N1 qui émergerait d'Asie. Et finalement, en 2009, c'est la grippe porcine, enfin la grippe H1N1 qui a émergé d'élevage de porcs au Mexique et qui s'est propagée de par le monde très rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on était prêt parce qu'on avait justement quelques années de préparation et de crainte avec le renforcement de la surveillance, la détection des pathogènes, les plans de préparation aux pandémies avec les stocks de masques, la capacité de développer des vaccins rapidement, de mettre en place des campagnes de vaccination, etc. Donc, on était prêt, mais la grippe H1N1 a été beaucoup moins virulente que prévu. Ouais. Oui, c'est le fameux épisode des millions de doses de vaccins commandés et inutiles, mais néanmoins, enfin encore une fois, peut-être qu'on peut voir avec le recul que sur celle-là on était prêt et que pour le coup on n'a pas du tout ou on a beaucoup moins vu arriver Serge Morand ce SARS-CoV-2, alors que pourtant il y avait effectivement eu des alertes sur le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV. Donc les coronavirus étaient tout de même étudiés avec précaution justement par la communauté internationale et par l'Organisation mondiale de la santé comme étant potentiellement l'une de ces maladies émergentes avec de fortes répercussions en termes sanitaires et économiques. Oui, et ça, pour reprendre sur la continuité et la préparation, finalement, l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est qui a subi tout un ensemble d'émergences de nouveaux, et notamment de nouveaux coronavirus. Alors, il y a aussi d'autres virus, ce qui fait qu'ils étaient relativement bien préparés. C'est vrai qu'ils ont après 2005, ils ont rebondi, notamment l'ASEAN a vraiment préparé ensemble. Ils ont beaucoup travaillé sur leur capacité, leur échange d'informations, et ça explique aussi leur préparation, et surtout avec une santé communautaire, c'est-à-dire finalement, dès qu'on a des signaux d'alerte dans la communauté, dans les humains, c'est-à-dire avec, par exemple, en Thaïlande, il y a quand même 1 300 000 volontaires de la santé qui font directement le lien entre la communauté et les départements de la santé ou les hôpitaux. Donc ça aide énormément pour faire un passage finalement entre santé humaine, santé de la communauté et santé collective. Donc oui, il s'y attendait. Il y a pas de souci. Dès qu'on a su en Thaïlande qu'il se passait quelque chose, donc en janvier vraiment, quand ça a été vraiment déclaré l'OMS, tout le monde était sous le manque, tout le monde avait peur, tout le monde prenait ses distances. Donc on a vraiment une préparation. Et ça a été vraiment partagé complètement. L'échec actuel, c'est plutôt finalement pas un problème de masque, c'est plutôt le dernier pendant d'avoir une santé de qualité, une santé de prévention, c'est aussi penser à ces vaccins, quoi. Et là, on voit l'échec de la préparation vaccinale des pays de l'Asie de l'Est. Par contre, on a aussi toute une recherche de ces, toujours en cours, de ces potentiels réservoirs et de ces passages. Peut-être un mot à ce propos. Vous dites, Marisa Père, on a tous notre mea culpa à faire pour la pandémie actuelle. Avant de passer à la prospective, peut-être un mot rapide sur qu'est-ce qui a été mal fait. Pourquoi est-ce que ce coronavirus, alors même qu'il y avait eu les alertes avec des deux coronavirus précédents, on ne l'a pas vu passer, on ne s'en est pas suffisamment soucié et on est arrivé au stade pandémique que l'on connaît depuis plus de 18 mois maintenant. Oui, alors déjà, donc ce que je disais tout à l'heure, on était prêt en 2009, mais 10 ans après, on n'était plus prêt. Donc en fait, la problématique pour pouvoir prévenir une maladie X, c'est la surveillance en continu et c'est la préparation en continu. Donc on ne peut pas baisser la garde, en fait. Donc ces outils n'ont pas été maintenus dans le temps, d'une part. Donc du coup, on était absolument plus prêt qu'en 2020, quand le coronavirus a émergé. Et puis d'autre part, en fait, on s'est préparé sans vraiment le faire. C'est-à-dire que dans les pays d'Asie du Sud-Est dont parlait Serge, ils sont prêts à mettre en place des mesures drastiques et qui ont des impacts très importants, que ce soit sociaux, économiques, environnementaux ou même sanitaires, pour limiter tout de suite la propagation d'une maladie, parce qu'ils sont confrontés au risque depuis très longtemps, ils ont l'habitude et ils connaissent les dangers. Les pays plus industrialisés, les pays du Nord, donc nos pays, étaient prêts, mais sans vraiment s'engager à mettre en œuvre des actions rapides, donc sans prendre vraiment ces décisions politiques et économiques qu'il faut prendre avant même qu'il se passe quelque chose. Alors c'est tout le paradoxe de la prévention, c'est-à-dire qu'il faut accepter de mettre en place des mesures qui peuvent avoir des conséquences économiques, sociales importantes pour... Je crains que nous n'ayons perdu Marisa Père, ce sont des choses qui arrivent. On va continuer à discuter le temps de la retrouver. On va continuer à discuter finalement de cette maladie X et de ce que cette crise mondiale et pandémique liée au Covid nous permet peut-être d'améliorer dans la future prise en charge d'une future maladie à caractère pandémique, puisque a priori aujourd'hui tous les virologues et tous les immunologistes s'accordent à dire que il risque d'y en avoir d'autres. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h18, nous parlons des prochains risques pandémiques après celui que nous continuons de traverser, puisque je vous rappelle, même si les beaux jours sont là et même si le couvre-feu est repoussé, que nous sommes encore en phase pandémique et qu'il y a encore un certain nombre de cas de contamination quotidien. Nous en parlons avec Marisa Père et Serge Morand. Peut-être, Serge Morand, peut-on expliquer exactement ce que c'est, ce que l'OMS entend par maladie X ? Alors, en fait, il y a eu plusieurs travaux, et ça va recontinuer là, pour essayer de savoir qu'est-ce qui peut émerger. Alors maintenant, on pose aussi la question, quel réservoir ? Parce que finalement, quel réservoir animal ? Mais avant, c'était plutôt la maladie réellement, c'est-à-dire le symptôme, le syndrome. Qu'est-ce qui pouvait en fait émerger rapidement, mais surtout se propager rapidement ? Alors, évidemment, tout ce qui est des virus respiratoires, ben, c'est banco parce que finalement, c'est d'humain à humain. Dès que ça passe, ça va très vite. Les humains se déplacent, ça part partout. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis ben, les virus influenza et les coronavirus respiratoires, quoi. Et on avait des maladies de type vectoriel. Et on l'a bien vu parce que finalement, les moustiques se baladent partout et le changement climatique fait aussi qu'ils ont des nouvelles niches pour finalement propager des virus ou d'autres parasites d'ailleurs hein, qui puissent transmettre aux humains ou aux animaux. Et finalement, maintenant, ce qui change peut-être réellement fortement maintenant, parce que l'OMS, l'OIE, l'IFAO et l'Organisation mondiale des programmes pour l'environnement ont mis en place un haut panel d'experts One Health, et la réflexion va changer un petit peu, c'est-à-dire va se poser sur quelles sont les conditions de débordement, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique finalement que des virus qui circulent tranquillement dans la faune sauvage finalement passent aux humains et souvent passent par des animaux qui sont des animaux de rente ou des animaux de compagnie. On reviendra hein, tout à l'heure, c'est intéressant, sur cette question de l'évolution d'un certain nombre de vecteurs que peuvent être, on pense évidemment aux moustiques, mais on parlera également de la tique dans un instant, et qui eh bien colonise des zones plus importantes du fait de la hausse notamment des températures et de la modification des climats, puisque c'est effectivement l'une des voies de recherche. On va reparler de One Health. On a retrouvé Marisa Père aujourd'hui. Une question tout de même, alors je vais prendre un autre exemple et sortir du coronavirus, puisque le coronavirus, encore une fois on l'a dit, il y avait des alertes, alors même s'il y avait des alertes qui étaient moindres que la pandémie que nous avons connue, mais par exemple aujourd'hui, est-ce que on serait plus alerte, plus attentif, est-ce qu'on repérerait une maladie à bas bruit qui circule depuis des dizaines d'années comme le VIH avant d'atteindre un stade épidémique? À l'heure actuelle, non. Parce que les outils et les systèmes de surveillance qui sont en place ne sont pas assez sensibles et sont trop limités dans les zones où les risques sont les plus importants. Et si on ne fait rien maintenant, dans 10 ans, on sera dans la même situation. Parce que le VIH, par exemple, on en parle, le VIH est un virus très à part, c'est un rétrovirus. Alors, on en connaît d'autres, mais je trouvais ça intéressant de revenir à l'exemple du VIH, puisque c'est une maladie qui a circulé alors à bas bruit et dans des zones restreintes et de plus en plus importantes au fur et à mesure du développement des transports, mais qui a circulé quasiment, allez, on va dire, 50, 60 ans avant d'atteindre le seuil de basculement épidémique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a ce type de rétrovirus qui sont extrêmement compliqués à repérer parce qu'ils ont des périodes d'incubation extrêmement longues, on ne serait pas en mesure aujourd'hui, vous le dites, Marisa Père, de mettre le doigt dessus ou d'avoir un système, une grille de repérage qui permettrait de l'identifier en amont, avant le basculement en phase épidémique. Alors, si on ne fait rien, on ne sera pas en mesure de le faire. Par contre, si on met en place justement des actions pour renforcer ces systèmes de détection précoce dans ces zones à risque, avec les communautés locales, les gens qui sont confrontés au risque au quotidien, là, on pourrait détecter ces phénomènes de passage de barrières d'espèces qui sont récurrents et qu'on a observé effectivement pour beaucoup de maladies avant que ces maladies deviennent pandémiques. C'est-à-dire qu'en fait, des événements de spillover, donc de transfert d'espèces entre l'animal et l'homme, arrivent assez fréquemment avant que une maladie devienne pandémique. Donc, si on peut capter ces signaux d'alerte le plus tôt possible et au niveau très local, et que les gens qui sont confrontés à ces signaux, donc qui les détectent, puissent réagir rapidement pour mettre en place des mesures de prévention pour éviter que une maladie se propage à l'échelle locale, plus nationale, puis internationale, là oui, on pourra être prêt à éviter la prochaine pandémie. Serge Morand, aujourd'hui, quels sont les systèmes justement de surveillance, décidément j'ai un problème avec les aujourd'hui, les systèmes de surveillance à l'échelle planétaire qui veillent précisément à ces pathologies émergentes, comment sont-ils répartis? Qu'est-ce qu'on cherche exactement, puisque on cherche quelque chose qu'on ne connaît pas encore, donc ça complique évidemment la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre? Commencez, Serge Morand. Alors ouais, ça dépend en fait de surveiller quoi et pour qui. En fait, il y a déjà une surveillance qui existe depuis très longtemps. Hein, donc, c'est finalement la santé publique hein, qui surveille. Alors, dans les pays où en fait, on discute en ce moment, c'est tout ce qui concerne le fardeau des maladies tropicales négligées, qui elles aussi sont aussi encore un très gros fardeau avec des tas de personnes chaque année, quoi. Et avec des fois aussi des grosses difficultés de laboratoire. Aussi, pareil. Donc, alors, comment les médecins font? Ben, ils ont fait ça, notamment, des travaux qui ont été faits au Laos sur les encéphalites, notamment. C'est finalement de développer réellement un système fort au niveau de l'hôpital pour finalement caractériser par la clinique, par d'autres outils, mais souvent, c'est souvent difficile, même des outils sérologiques, mais les caractériser, quoi. Donc, il y a aussi une autre surveillance qui existe au niveau des animaux domestiques. Ça, je laisserai plutôt à c'est Marisa, parce qu'elle est véto, mais qui travaille finalement aussi plus ou moins bien en relation avec la surveillance, je dirais, classique, clinique. Ce qui existe et qui est quand même là aussi sur la faune sauvage, c'est-à-dire que on a décidément on a des petits problèmes de liaison, c'est-à-dire que ça coupe. Je tiens à préciser à nos auditrices et nos auditeurs que vous nous appelez Thaïlande, donc on passe par un logiciel de visioconférence, mais parfois il y a des petites coupures. Je vous laisse poursuivre. A priori, je crois qu'on vous a retrouvé. Allez-y. Oui. Donc, et sinon, on a aussi un système de surveillance qui, alors, encore moins, je dirais, le niveau. Bon, sauvage, finalement, les parcs nationaux, les rangers, hein, mais aussi les chasseurs, finalement, sont impliqués dans le reporting, hein, c'est-à-dire de caractériser, ben voilà, il y a des animaux morts, c'est pas normal et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et donc. On vous a reperdu, Serge Morand. Marisa Père, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'effectivement, il y a le réseau de surveillance médicale, vétérinaire. J'imagine qu'il y a également des laboratoires qui cherchent, qui font des prélèvements. Comment il est réparti, ce réseau? Parce que vous disiez vous-même qu'il y avait, comme on dit un peu vulgairement, des trous dans la raquette dans des pays qui ont évidemment moins de moyens et des systèmes de santé moins élaborés, moins développés. Oui, alors d'abord, un système de surveillance, c'est quoi? Alors la surveillance, c'est vraiment la collecte et l'analyse des données de santé ou d'autres données, d'autres indicateurs de santé en continu pour pouvoir informer des gens qui vont prendre des décisions pour agir et pour prévenir le risque, pour contrôler. Donc en fait, un système de surveillance, c'est des gens qui discutent entre eux et qui partagent l'information sanitaire et qui agissent. Donc en fait, évidemment, donc il y a la source des données, donc c'est les gens qui sont confrontés au risque, qui vont soit identifier des cas d'animaux malades, soit identifier des cas de pathologies humaines, soit identifier des événements anormaux dans la faune sauvage, et informer les différents niveaux hiérarchiques de leur secteur qui vont faire intervenir les laboratoires pour faire des prélèvements, pour ensuite diagnostiquer et confirmer la maladie avant d'agir. Donc en fait, il y a deux problèmes dans ces systèmes. C'est que d'une part, ils ne sont pas suffisamment rapides pour détecter des maladies inconnues qui pourraient se propager rapidement. Donc il y a tout un chaînon d'actions qui font que le temps entre la détection et l'action est beaucoup trop long. Donc il faudrait renforcer les actions au niveau local de prévention avant même qu'on ait pu confirmer ou diagnostiquer la maladie. Et le deuxième problème, c'est que ce sont des systèmes qui fonctionnent en silo, donc de manière assez cloisonnée et de manière très verticale, basée sur une organisation hiérarchique, donc des services vétérinaires, des services de santé humaine, des services de santé de l'environnement. Et donc ces systèmes se parlent très peu, alors que pour détecter une maladie inconnue, la complexité, c'est que justement, on ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas ce qu'on cherche et ce qu'on surveille. Donc, on a besoin d'un système extrêmement sensible. Et plus on va avoir de sources de données qui vont donner des indicateurs, qui vont nous dire qu'il se passe quelque chose d'anormal, un animal malade, on n'arrive pas à savoir pourquoi, un homme malade d'une pathologie aussi qui n'est pas diagnostiquée, et en même temps une surmortalité dans la faune sauvage, si on avait ces trois indicateurs en même temps, donc qui étaient tout de suite repérés, on pourrait se dire, attention, il se passe quelque chose de grave, et là on met en place des actions très rapides pour contenir un risque potentiel. Mais ça c'est un peu le schéma idéal qui ne se produit évidemment jamais. qui ne se produit pas pour l'instant, parce qu'effectivement, donc ce concept One Health, donc une seule santé dont parlait Serge, qui est vraiment la clé d'arriver à vraiment prévenir ces risques pandémiques. Donc il faut les prendre dans leur globalité. Il faut considérer la santé de l'environnement, la santé de l'homme et la santé de l'animal comme un tout. Tout est lié. C'est le concept One Health, d'ailleurs, une santé dont on va reparler dans un instant. Qui est vieux, qui est assez vieux, mais qui est encore peu d'actions concrètes sur le terrain. Pas suffisamment, en tout cas. Peut-être un mot, Serge Morand, puisque notamment là, par rapport aux critères que définissait Marisa Peyre, on voit bien que, par exemple, pour le Covid, bon, c'était des pneumonies un peu atypiques, mais finalement, c'était des infections respiratoires. On suppose que les fameux mineurs du Yuan en 2013 avaient peut-être vraisemblablement contracté une maladie qui était déjà le Covid. Mais enfin, bref, donc c'était pas des maladies émergentes avec une symptomatologie très très très caractéristique. Je sais pas, je pense par exemple à Ebola, dont on voit tout de suite qu'il s'agit de quelque chose d'autre, même si il existe d'autres fièvres hémorragiques. Donc, en fait, aujourd'hui, Serge Morand, la question que je veux vous poser, c'est quels seraient les seuils d'alerte qui pourraient déclencher une réponse anticipée de la part de la communauté internationale, je ne sais pas, de l'Organisation mondiale de la santé ou de toute autre forme d'instance supranationale. En fait, c'est les questions qui vont être posées vraiment maintenant aux chercheurs, hein, c'est-à-dire de redéfinir, parce que pour l'instant, ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché ces systèmes d'alerte US précoce, ça n'a pas marché ces systèmes de prévision, on ne sait toujours pas. De faire l'inventaire de tous les pathogènes, on l'a fait sur les rongeurs d'Asie du Sud-Est, le long du Mékong, trois rongeurs, on a 500 000 virus, sachant que on en connaît en tout caractérisé, tout type de virus, que 5 000. Moi, 3 000 rongeurs, 500 000. Et on sait qu'on a plein de coronavirus qui ont circulé, qui ont émergé en Asie, de rongeurs qui ont donné, par exemple, un coronavirus de Hong Kong, qui circule toujours chez les humains, d'autres qui sont passés des chauves-souris vers les chiens, des chiens vers les chats et des chiens vers les humains, très récemment. Tout ça avec les mêmes syndromes respiratoires. Donc finalement, on ne détecte, on est capable de savoir que c'est nouveau si ça fait mal. C'est-à-dire que si c'est d'un seul coup, comme vous avez dit, c'est Ebola, c'est Nipah, c'est Lassa. Donc dans ce cas-là, on a des fortes fièvres, c'est une catastrophe, mais généralement, on réagit rapidement. Donc finalement, on risque de se retrouver, c'est ce qu'on voit sans arrêt, avec des tas de choses. Et ça coûte cher, c'est-à-dire que maintenant, finalement, notre système de santé publique se retrouve avec tout un tas de pathogènes à regarder. Alors c'est-à-dire qu'on va être obligé de faire de plus en plus, et ça coûte énormément cher, alors que nos systèmes de santé, et surtout les systèmes de santé du Sud, vont encore souffrir après la pandémie, parce que la crise sanitaire, c'est aussi une crise économique et c'est une crise des systèmes de santé, quoi. Alors, moi, en tant qu'écologue, moi, je vois, il faut qu'on travaille dans le système One Health, et qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant qu'écologue? Regardons les systèmes d'avenir, les signaux d'alerte précoces, ceux qui, en fait, viennent de l'environnement, viennent de la biodiversité, pour nous dire, il se passe quelque chose, attention, regardons. Et ça aussi, on peut le cartographier et on peut le temporaliser, quoi. Exemple typique, si je regarde, et ça, ce que j'ai fait, toutes les émergences de coronavirus, et pas que du coronavirus, de virus de chauve-souris qu'on a eu depuis 1995 en Asie, jusque le dernier. Ils ont tous émergé pendant un événement de variabilité climatique El Niño, La Niña. Cette variabilité climatique qui finalement impacte le système de la mousson, impacte certainement les chauves-souris, les bouges, et là, comme par hasard, ça met des systèmes de débordement, de spillover, c'est là qu'on a une émergence. Donc on a un signal, par exemple, météorologique, un signal, je dirais, climatique. Et on a des signaux de l'environnement qu'il va falloir qu'on travaille, des signaux de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus en amont, qu'on travaille vraiment sur la santé des écosystèmes, sur le fonctionnement écologique, et qu'on alimente finalement la santé publique, la santé vétérinaire, et là on pourra construire vraiment un One Health. On va revenir d'ailleurs sur ce que c'est exactement ce One Health dans un instant, mais avant cela on va retrouver, comme chaque mercredi à la mi-parcours, la recherche montre en main qui traite précisément de ces questions liées à la détection. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Lory, bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse au CIRAD. Vous travaillez sur le développement de systèmes de surveillance intégrés des maladies issues de la faune sauvage, applications dans des contextes européens et africains. Bienvenue à la recherche Montre en main. On vous écoute. Merci. Donc bonjour à tous. Si nous ne faisons rien, les pandémies risquent d'émerger plus souvent, de se transmettre plus rapidement et de tuer plus de personnes. C'est en tout cas ce que nous indique un récent rapport de l'IPBES, la plateforme d'un groupe international d'experts sur la biodiversité. 75% des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, dont 70% proviennent des animaux sauvages. Donc les facteurs d'émergence sont maintenant bien connus. L'agriculture intensive, par exemple, rapproche les humains, le bétail et les animaux sauvages, ce qui augmente les risques de spillover. Et comme on le voit avec la pandémie de Covid, nous réagissons souvent trop tard, après que le pathogène se soit largement répandu dans la population humaine. Il est donc temps de développer des stratégies de prévention plus efficaces, en gardant à l'esprit que la surveillance est le premier rempart face à l'émergence d'une maladie. Ma thèse porte sur le développement de systèmes de surveillance intégrés des maladies issues de la faune sauvage, notamment dans les pays du Sud. Elle s'inscrit dans le cadre du projet EBO-Sursis, qui vise à améliorer les capacités de détection précoce des fièvres hémorragiques virales en Afrique de l'Ouest et dans le cadre de l'initiative PRESOD pour la prévention des risques zoonotiques à potentiel pandémique. Je travaillerai d'abord en Guinée, où il s'agira notamment de développer un système de surveillance participatif des zoonoses émergentes sur des zones pilotes. En fait, la surveillance participative, elle fait appel à l'engagement actif des communautés pour détecter et déclarer des cas. Donc, ce sont les membres de la communauté, dont font aussi partie les agents techniques de la santé humaine, animale et de l'environnement, qui sont en première ligne et qui ont des contacts avec les animaux domestiques ou sauvages. L'objectif de ce travail ne sera pas d'apporter des solutions toutes prêtes venant d'en haut, mais bien de co-construire le système avec les acteurs qui proposeront ainsi des solutions à leurs propres enjeux de développement en fonction d'un contexte et de difficultés qui leur sont propres. Donc il faudra avant tout étudier les besoins et contraintes des communautés en lien avec la surveillance, les sensibiliser sur les maladies de la faune sauvage et sur leurs responsabilités et rôles clés qu'ils occupent dans la chaîne de surveillance. J'ai aussi rejoint des collègues de l'Organisation mondiale de la santé animale et du CIRAD pour créer un jeu sérieux de formation aux bonnes pratiques de surveillance. Il a été développé avec BioViva, un éditeur de jeux éco-responsable basé à Montpellier. Et dans le cadre de ma thèse, je vais déployer ce jeu sur le terrain et évaluer son impact. Il a été pensé depuis le début pour que les participants comprennent mieux leur rôle dans la chaîne de surveillance et l'intérêt de collaborer entre secteurs, donc de la santé humaine, animale et de l'environnement, ce qui est à la base du concept One Health, que je devrais appliquer concrètement à tous les niveaux pour avoir un système intégré. Aussi, le protocole de surveillance il devra intégrer une composante réponse aux alertes, adaptée au contexte. Quelles actions rapides mettre en œuvre par les communautés pour limiter les risques face à une suspicion possible d'émergence. Donc j'évaluerai le ou les nouveaux systèmes, leur éventuel apport, et complémentarité par rapport au système actuellement en place et proposerai des recommandations pour leur renforcement. On estime enfin que prévenir coûterait 100 fois moins que contrôler les pandémies futures et la surveillance participative a un faible coût et une bonne sensibilité. Donc elle est pertinente pour être utilisée dans les pays en développement où les systèmes de surveillance sont souvent limités. On note déjà des success stories, notamment dans le secteur de l'élevage, comme le système ICIKNAS en Indonésie, par exemple. Donc pour conclure, je reprendrai une citation de Mark Smolinski en disant qu'aucune communauté n'est trop difficile à atteindre, aucun pays n'est trop pauvre pour innover, et la curiosité l'emporte partout sur la peur. Bien, c'est évidemment quelque chose auquel nous ne pouvons que souscrire. Merci beaucoup Emmanuel Lory d'être venu nous présenter vos travaux. Nous allons continuer à réfléchir aux différentes manières d'anticiper la prochaine pandémie, puisque prochaine pandémie il y aura, tout le monde semble à peu près d'accord là-dessus. On en discute dans la deuxième partie de l'émission en examinant ce concept One Health et en regardant aussi quels sont les points d'intérêt aujourd'hui qui sont surveillés par les épidémiologistes. So much hand. the door of my mind. Grey song for Bray. Close the door of my mind. Killing a mirror's ago. Try to sleep du groupe Opinion. Ne vous endormez pas, continuez à écouter la méthode scientifique, bien entendu. Nous parlons des prochaines pandémies, des pandémies du futur et de la façon dont on peut les anticiper ou non. Nous en parlons avec Marisa Peyre, qui est épidémiologiste et coordinatrice de Prézod, dont nous allons parler dans un instant pour le CRIRAD, et Serge Morand, qui est écologue de la santé, parasitologue de terrain, chercheur CNRS et au CRIRAD depuis l'université de médecine vétérinaire de Kasetsart en Thaïlande. Alors, parmi les pathologies qui sont actuellement surveillées de près, il y a une maladie qu'on pensait en voie d'éradication, mais qui continue de se manifester par foyer dans certains pays, c'est la polio. Comment éviter une reprise épidémique d'un certain type de polio? C'est ce à quoi vous êtes intéressée, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, ce centre fait partie du réseau international des laboratoires polio de l'OMS. Ses missions consistent à surveiller donc les nouveaux cas de polio qui semblent se multiplier actuellement en Afghanistan, au Pakistan et au Nigeria. Maël Besseau dirige ce centre et coordonne l'analyse des échantillons reçus de ces pays-là, entre autres. Et avec son équipe, surtout, il essaye d'alerter sur la faiblesse de la vaccination quand il y en a. Car parallèlement à une forme de résistance que peuvent manifester certaines populations, les chercheurs ont remarqué l'émergence d'une souche virale qui est issue de la vaccination en elle-même, la vaccination orale, un phénomène spontané mais qu'il s'agit désormais de contrôler au plus vite afin d'éviter de se retrouver dans une situation critique. La couverture vaccinale est très hétérogène dans le monde. On a des pays comme la France où la vaccination est obligatoire, donc on a une couverture vaccinale qui est excellente. Néanmoins, le gros problème du programme polio, en fait, c'est le refus de vaccination. C'est par exemple le Nigeria, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan, où il y a des rumeurs aussi sur le fait que le vaccin contiendrait du porc, et comme ces populations-là sont en majorité musulmanes, il y a un refus de vaccination. Il peut aussi y avoir... il faut savoir, par exemple, qu'au Pakistan, il y a eu des attentats suicides contre les centres de vaccination. Il y a eu des équipes de vaccination qui ont été attaquées par des groupes terroristes. Et donc les gens pourraient vouloir faire vacciner leur enfant, mais ils sont dans une ambiance, une atmosphère où l'accès à la vaccination n'est pas si facile. En dehors de la composante plutôt idéologique, il y a un autre phénomène qui est l'apparition de souches dérivées de la vaccination orale. Exactement. Alors, pour la polio, il y a deux vaccins. Il y a le vaccin injectable qui est utilisé en France et qui a une innocuité parfaite. Et il y a un vaccin qui a été développé au même moment, qui est le vaccin oral, qui a été utilisé en France jusque dans les années 80. Et qui a un vaccin qui, lui, repose sur des souches qui sont vivantes, atténuées, donc elles ne peuvent pas induire la maladie. Elles induisent une réponse immunitaire protectrice. Le problème de ces souches, c'est que comme elles sont vivantes, elles vont infecter la personne vaccinée et la personne vaccinée va pouvoir les excréter et donc les transmettre. Alors ça, c'est pas un problème quand la couverture vaccinale est de bon niveau. Le problème se pose quand on a une couverture vaccinale suffisamment faible pour permettre la circulation de ces souches vaccinales qui vont pouvoir établir des chaînes de transmission pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et au cours de ces transmissions, les souches vont muter, comme tous les virus, et vont, dans certains cas, pouvoir redevenir pathogènes. Et donc, les personnes vaccinées, en fait, au bout d'un certain temps, du fait de leur excrétion de leur souche vaccinale, sont à l'origine de souches pathogènes. Et pour résoudre ce problème, en fait, il y a des nouvelles souches vaccinales qui ont été développées et qui sont actuellement en cours d'utilisation. Les premières utilisations commencent ce mois-ci. Je crois en Afrique, et ce sont des souches vaccinales qui, elles, ont beaucoup moins de facilité à réverter vers un phénotype pathogène. Là, on est donc dans le centre collaborateur. Qu'est-ce qu'on y fait vraiment? Vous êtes virologue, vous recevez des échantillons. Là, il y a moins d'activité, mais en temps normal. En fait, on reçoit des échantillons qui nous sont adressés par, les laboratoires du réseau polio. Donc on travaille beaucoup avec la République centrafricaine, avec le Cameroun, avec Madagascar, on travaille avec la Côte d'Ivoire, on travaille avec le Sénégal. Nous, notre objectif, c'est de confirmer les cas que eux détectent et d'apporter une expertise, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des virus, par exemple, et obtenir très rapidement, parce qu'on a ici des plateaux techniques qui nous permettent de faire ça très vite, d'obtenir la séquence pour essayer de comprendre l'épidémiologie. Est-ce que ce sont des nouvelles souches qui émergent? Est-ce que ce sont des souches qui ont été importées? Et pour essayer de dresser un tableau. Bon, donc là, c'est mon collègue. Alors ça fait partie, par contre, des problèmes qu'on a, c'est que en fait, toute cette surveillance, elle repose sur très peu de gens, parce que vous avez là l'ensemble du laboratoire, c'est mes deux collègues et moi-même. Et en fait, l'expérience, et même l'expérience Covid, montre que les labos de surveillance ne sont pas dimensionnés en cas d'épidémie, puisque nous, on est dimensionnés pour faire la surveillance quand tout va bien, mais quand on a un nombre de cas qui augmente drastiquement, on a plus le personnel en fait pour faire la surveillance. Ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les épidémies. Les laboratoires ne sont pas dimensionnés pour faire face aux épidémies. Bon, bref. Donc là, en fait, on accède à une pièce qui a un accès sécurisé. Et c'est en fait ici qu'on a tous les échantillons biologiques et aussi les échantillons de virus, donc qui sont conservés dans cette pièce à accès restreint, dans des frigos à moins 80 degrés, les fameux supercongélateurs. Donc ça nous permet d'avoir une biobanque et on a toute une collection de virus. Ça, c'est important. Très souvent, on se demande, est-ce qu'il faut l'assumer? Est-ce que vraiment garder des échantillons d'il y a 10, 20, 30 ans, ça a un sens? Alors, il faut certainement pas tout garder, mais c'est important aussi d'avoir une histoire. On a ici des virus qui ont été isolés il y a 30, 40, 50 ans et qui n'ont pas été complètement caractérisés parce qu'à l'époque, on n'avait pas les outils. Et ce qu'on se propose de faire, c'est de séquencer des virus qui ont 30 ou 40 ans pour voir qu'est-ce qui circulait à l'époque. Et ça, ça peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et peut-être éventuellement faire face à des réémergences. Par exemple, là, si on devait dresser un tableau actuel, est-ce que c'est une menace qui vous préoccupe actuellement? Alors en fait, aujourd'hui, on a donc deux problèmes. On a le Pakistan et l'Afghanistan d'un côté, et puis l'Afrique de l'autre côté. Mais en fait, c'est un programme qui est mondial, et l'existence de ces souches en Afrique et au Moyen-Orient, elle compromet tout le programme, parce que si les pays en Amérique ou en Europe relâchent leur effort de vaccination et de surveillance, les souches vont revenir. Et donc en fait, là, le programme, il est face à ces situations difficiles, qui demandent en fait beaucoup plus de travail, c'est-à-dire que éradiquer les 100 derniers cas de polio annuels qui nous restent, ça va demander beaucoup plus d'efforts qu'il en a fallu pour éradiquer les 100 premiers cas, parce que c'est les situations les plus difficiles. Et donc là, il y a des efforts qui sont considérables, précisément pour éteindre ces derniers cas de polio, parce qu'en fait, c'est vraiment le monde entier qui est menacé. Si les États relâchent leurs efforts, on va avoir une réintroduction du polio et on va se retrouver dans la même situation que dans les années 80 quand le programme a commencé. Voilà, cette surveillance de ce variant épidémique du polio lié à une certaine forme de vaccination. Alors, c'est certes un cas très particulier, mais ça me permet d'embrayer Marisa Peyre sur les autres hotspots, ou en tout cas les zones de surveillance. On parlait tout à l'heure de ce petit organisme qui a été ressuscité après 24 000 ans dans le pergélisol. Le pergélisol, on en entend beaucoup parler avec le réchauffement climatique comme bien un péril, ou la possibilité bien justement de remise en circulation de virus gelés depuis très longtemps. C'est un fantasme ou c'est quelque chose qui retient l'attention internationale? Alors, c'est pas tout à fait mon domaine d'expertise. Par contre, effectivement, des virus qui peuvent ressurgir soit de fin fond de la forêt équatoriale, soit du permafrost, parce qu'ils ont été préservés et ensuite ils arrivent à se transmettre. C'est sûr que c'est des craintes qui sont réelles. La difficulté, c'est exactement de pouvoir être prêt à réagir, quel que soit le pathogène, quel que soit l'endroit, et de pas attendre l'émergence d'une maladie quelque part. Et on l'a bien vu avec le cas de la grippe H1N1 en 2009. On attendait l'émergence de la grippe aviaire H5N1 en Asie, et ça a émergé dans l'élevage de porc au Mexique. Donc voilà, donc il faut être prêt partout, et c'est la difficulté. Et ça coûte cher de pouvoir être prêt partout. Ça veut dire avoir des systèmes de surveillance qui sont sensibles et peu coûteux. Donc comme l'a décrit Emmanuel dans le cadre de son travail, des systèmes qui sont basés sur du participatif et qui sont basés sur de la détection précoce. Parce qu'en fait, on l'a vu avec l'exemple de la polio également, le coût d'un contrôle de maladie et ensuite de son éradication sont énormissimes et dans une durée extrêmement longue. Donc en fait, ce qu'on prône, notamment dans l'initiative Prézod actuellement, c'est vraiment d'axer tout sur la prévention pour éviter donc que les maladies qui émergent potentiellement ne se diffusent. Donc déjà réduire les risques pour limiter ces problématiques d'émergence. Et avoir des systèmes de surveillance participatifs avec les communautés, les gens qui sont confrontés au risque en première ligne, qui les détectent rapidement pour éviter que ça devienne des épidémies. C'est la meilleure façon de se prévenir et d'éviter les prochaines pandémies. Et ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, c'est compliqué parce qu'il faut les maintenir dans la durée. Et c'est le paradoxe de la prévention. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu quand j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'on avait été coupé, mais cette problématique du paradoxe de la prévention, c'est d'investir sur du long terme, donc de continuer à payer quand il ne se passe rien. Et d'être prêt à investir dans la durée sans voir les bénéfices de l'investissement, parce que le bénéfice, c'est qu'il ne se passera rien. Et ça, c'est très très compliqué pour les États et les bailleurs financiers. C'est Serge Morand, un mot sur les zones qui font l'objet d'une surveillance. Les zones, alors ça peut être des zones géographiques, ça peut être certains types de virus qui font l'objet quand même d'une surveillance un peu comme le lait sur le feu en ce moment. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont plus préoccupantes que d'autres? Alors oui, parce que si en fait on considère que la transmission de ces agents, c'est finalement quelque chose qui se passe entre la biodiversité, qui est en danger, c'est complexe, quoi. Les changements d'usage des terres, déforestation, retransformation, tout ça. Les animaux domestiques qui sont en pleine augmentation, hein, je prendrai juste un chiffre. Hein. En 1997, il y avait 200 milliards d'oiseaux sauvages, ils sont plus que 40 milliards, et face à eux, il y a 30 milliards de poulets. Donc ça veut bien dire là où est le souci, quoi. Plus le changement climatique. Donc va finalement, nous ce qu'on travaille, finalement c'est ça, c'est de croiser ces quatre aspects-là. Biodiversité, changement d'usage des terres, animaux en augmentation et changement climatique. Et là, finalement, oui, on voit des points chauds très importants. L'Asie en est un, une partie de l'Amérique latine en est un autre. Certaines parties d'Afrique qui étaient avant très vertes sont de plus en plus à passer au rouge. Et on a aussi même des parties qui sont en Europe. C'est-à-dire que là, maintenant, on en a aussi des parties qui sont dans le Caucase. Donc là, ça veut dire qu'on peut vraiment cibler, parce qu'on commence à savoir quelles sont finalement, et c'est de travailler sur les racines. C'est-à-dire, attaquons-nous aux causes, et ça nous évitera de gérer les conséquences d'une pandémie. Bien sûr. La question qui se pose, alors on l'a dit, on l'a aussi beaucoup répété, vous en avez certainement entendu dans le journal des sciences, entendu parler, évidemment la transformation des habitats, la mise en contact d'animaux sauvages qui se rapprochent des habitations du fait de la destruction, notamment de la déforestation. Donc ça, on sait que évidemment tout cela est très surveillé, notamment via les chauves-souris qui sont des réservoirs. Il y a une inquiétude qui est plutôt du côté, pour le coup, des grippes aviaires ou des grippes porcines, du côté des élevages industriels. Ouais. On a lu un certain nombre de papiers pendant la préparation de cette émission qui dit la prochaine grande pandémie sera une pandémie agricole entre guillemets, ou qui vient de l'élevage intensif. Serge Morand, vous partagez cet avis? Oh bah complètement. Enfin déjà tout. Les élevages intensifs sont sans arrêt soumis à ce genre de problème. Oui. Vous m'entendez? Non, c'est bon. Il y a eu une petite coupure, mais on vous a récupéré. Oui. D'accord. D'accord. Désolé. Ah, décidément, on vous a perdu à nouveau. Marisa perd un avis. On vous a perdu, je suis désolé Serge Morand, on essaie de vous récupérer. Marisa perd un avis là-dessus. Est-ce que effectivement les élevages intensifs sont potentiellement le prochain foyer pandémique, ou l'un des prochains foyers pandémiques? Oui, absolument. On l'a déjà vu donc avec l'émergence de H1N1, j'y reviens, et c'est le risque n'a pas évolué, n'a pas changé en fait depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les travaux que l'on mène sur les risques d'émergence de grippe aviaire par exemple ou de grippe porcine ou d'autres maladies qui peuvent rentrer dans un élevage et s'amplifier parce que la problématique des élevages intensifs, alors souvent c'est qu'ils sont il y a des élevages intensifs qui sont mis en œuvre dans des zones à faible biosécurité, donc avec très peu de moyens pour prévenir l'introduction ou l'échappement de virus, mais aussi dans des contextes climatiques et épidémiologiques avec une forte pression environnementale qui fait qu'il y a un risque élevé d'introduction virale. Et l'autre problème des élevages intensifs, c'est qu'en fait, on est sur des sélections génétiques pour améliorer la production, donc c'est des animaux qui sont complètement sensibles à toute infection et à toute maladie, ils sont pas du tout résistants comme les races locales, et ils ont tous la même génétique. Donc, ouais. Si vous faites rentrer un virus là-dedans, il se propage comme une allumette dans un feu de paille. Donc, en fait, ce sont potentiellement des usines à virus, les élevages intensifs. Ouais. C'est là où on arrive à quelque chose qui paraît extrêmement paradoxal, si ce n'est, j'ose le mot, absurde. C'est qu'on arrive évidemment à vouloir développer des outils de biosécurité qui rendent ces élevages intensifs à des niveaux de sécurité qui sont presque équivalents à ceux d'un laboratoire P4, alors que pour autant, ce type d'élevage hors sol, rentabilisé, qui traite l'animal finalement comme un bien à optimiser, sont de plus en plus rejetés par l'opinion publique, en tout cas dans certains pays, dans une certaine catégorie de la population des pays occidentaux. On touche pas un peu là une sorte de boucle de l'absurde, Marisa Peyre? Ben, on revient sur cette problématique de santé globale. En fait, il faut tout prendre dans sa globalité. C'est-à-dire que si on veut nourrir le monde, si le monde veut continuer à se nourrir avec autant de protéines animales, il faut bien les produire. Et c'est là que le problème, c'est que ça devient un problème d'alimentation. C'est-à-dire que ces élevages intensifs sont là pour répondre à une demande, ou peut-être créer une demande, enfin selon les zones, ça dépend, de protéines. Donc en fait, il faut vraiment aussi traiter ces problématiques d'alimentation et de sécurité alimentaire, parce que dans certaines zones, il est essentiel aussi de pouvoir apporter un apport en protéines suffisant et de mettre en œuvre des solutions pour éviter que ces élevages soient justement des usines à virus. Alors il y a des solutions qui existent, la vaccination, les antibiotiques. On a de l'antibiorésistance et on rentre dans un cercle infernal. Complètement. Donc l'antibiorésistance doit être pris en compte dans l'analyse. Donc en fait, c'est vraiment il faut faire une analyse systémique. Ça veut dire qu'il faut prendre chaque élément dans le système, regarder les effets de l'impact que va avoir l'élevage intensif sur l'environnement, les changements climatiques qui vont avoir un impact sur la pression épidémiologique, etc. Et donc tout ça est à prendre en compte. Alors c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe. Donc ce qui fait, c'est que depuis des années, il est beaucoup plus facile de travailler sur des sujets très précis, et c'est nécessaire aussi pour bien les comprendre en profondeur. Mais c'est vrai que donc on a tendance à rester dans notre zone de confort et de travailler sur nos disciplines aussi en tant que chercheurs, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors que évidemment, on peut mettre en place des solutions qui vont être intéressantes, qui vont réduire le risque et à la fois qui vont en créer un nouveau. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas assez pris en compte jusqu'à présent. Un mot pour conclure, Serge Morand. On évoquait notamment et très rapidement aussi le changement climatique et ce qu'il provoque dans la répartition des vecteurs de maladies comme les moustiques et les tiques. Un de vos camarades et confrères de l'ANRS qui se soucie également des maladies émergentes parlait notamment d'une nouvelle fièvre qu'on appelle la fièvre Crimée-Congo qui est transmise par les tiques et qui se répand et qui apparemment inquiète beaucoup les épidémiologistes. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Ah, complètement. C'est, en fait, on est en train aussi d'essayer de monter un programme européen un peu intégré, donc avec des collègues du climat, des collègues de la santé animale, de la santé végétale dans différents pays, et justement un de nos modèles, alors plusieurs modèles qu'on a pris, mais le modèle est le modèle Crimée-Congo, parce qu'effectivement, la tique semble être très sensible au climat, donc change. Le virus semble aussi évoluer, quoi. Donc il faut avoir aussi absolument des virologues pour comprendre l'évolution moléculaire de ce virus. Et puis c'est avec un compartiment animal, donc c'est aussi compliqué à apprendre. Alors c'est compliqué, c'est complexe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, loin de là. Ça veut dire par contre qu'il faut prendre son temps pour bien définir les objectifs de recherche et bien travailler, je dirais, en interdisciplinaire, quoi, du local au global, avec des gens qui vont se spécialiser sur les bases de données, qui vont spécialiser sur la virologie ou le climat. Mais oui, c'est le genre de choses qu'il faut travailler, faire. C'est un des enjeux. Il y en a d'autres aussi encore. Et malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, mais on voit en tout cas la complexité de ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir aidé l'un et l'autre à défricher cette problématique. Merci Marie Zapper, merci Serge Morand. On y reviendra certainement, et on espère avant la prochaine pandémie, dans cette émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Hudenstock, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Dagat Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guy Lamage à la technique. Demain, nous avons la chance et le privilège de recevoir le grand neuroscientifique Antonio Damasio, qui viendra nous parler de ses travaux, notamment sur les liens entre émotion et conscience. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.